Un ami par excellence. Прослушайте текст. Правда ли, что Реймон был лучшим по английскому языку в своем классе? Un jour, dans une station de métro à New York, j'ai vu Monsieur Dufour, mon ancien professeur d'anglais à Paris. Je n'étais pas un bon élève. Une fois, il m'a dit « Donnez-moi le présent du verbe anglais « s'en aller ». Au lieu de dire « je m'en vais, tu t'en vas, etc. », j'ai répondu « tout le monde s'en va ». Ce jour-là, j'ai reçu 2-0 à la fois. Je me suis approché de Monsieur Dufour. « Quel plaisir de vous voir » a-t-il dit en me serrant la main. « Monsieur, j'ai demandé, vous vous souvenez de moi, Raymond Fournier, le plus mauvais étudiant de votre classe d'anglais ?»« Mais oui, » a-t-il répondu. « Nous, les professeurs, nous nous souvenons toujours des pires étudiants. Nous avons bavardé un peu. » Puis il m'a dit « À propos, j'attends le train pour l'université de Columbia. J'ai l'intention d'assister à un cours de littérature anglaise. » Je lui ai donné les renseignements nécessaires et il m'a remercié chaleureusement. « Raymond, tu es l'ami par excellence !» Et il m'a serré la main. « Vous voulez dire, Monsieur Dufour, un de vos amis sans excellence au lieu de par excellence » ai-je dit en souriant. « À propos, pourquoi n'avez-vous pas demandé des renseignements à l'employé ? Vous parlez couramment anglais, n'est-ce pas ? Voyez-vous, mon cher, j'ai déjà parlé à l'employé et aussi à d'autres passants. Je parle anglais, mais il me semble que personne ne comprend l'anglais à New York quand je le parle. »